Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un excellent thriller. Un avion chargé d'armes explose au-dessus du golfe de Guinée. Une escort girl est assassinée dans un parking parisien. Plusieurs milliers de kilomètres séparent ces deux événements et pourtant, ils ont un point commun. La raison d'État. L'avion a explosé. Le président ne veut pas entendre parler de vente d'armes. C'est toujours les mêmes salades en période électorale. Si des otages sont libérés, le président tirera tous les profits. T'exploses la tête d'un suspect devant un témoin, toi. Tu viens d'avoir ton grade d'officier, félicitations. Mais pour l'instant, t'es sous mes ordres. Alors tu regardes, tu écoutes et tu la fermes. Pour moi, il y a quelque chose qui colle pas. C'est un crime de proximité. Je connais le quartier par cœur, j'y habite. Nora Chaïd, le commissaire Macquart voudrait vous voir. Il n'y a plus rien qui traîne. Tout est récupéré. Je connais l'identité du suspect que vous recherchez. Je peux vous aider à le coincer. Il y en a ici qui tiennent à voir ma peau. Police, arrêtez-vous! Une nouvelle commande un peu plus étoffée. Je vous rendrai rien. Allez vous fournir ailleurs. Ces armes, vous me les vendrez, que vous le vouliez ou non. Une affaire d'État, un film d'Éric Vallette avec André Dussolier, Rachida Brakni et Thierry Frémont, un DVD Fox Pathé Europa.